Ok. Carte. Mr. Carson. 10 de carreau, 7 de pique et 6 de cœur. Sacré flop. Check. Check. S'il vous plaît. Vous désirez quelque chose? Ouais, une tequila, s'il vous plaît. Moi, rien, merci. Très bien, je vous apporte ça. Vous checkez, Carlson? Voyons, laissez-lui le temps de la réflexion. Vous êtes pressé? De me refaire, ça oui. Effectivement, cette dernière main vous a laissé bien mal. Je joue de malchance, que voulez-vous? La photocarte? Sûrement. La chance ne fait pas tout à ce jeu. L'audace est bien mieux récompensée. Exact. À quoi sert l'audace si on peut pas assurer ses arrières? C'est là tout l'intérêt, détrompez-vous. C'est excitant de se dire que, à chaque instant, on peut soit tout perdre, soit tout gagner. Ce sont là les sensations du danger. Comme quand les trappeurs partent dans la montagne, mais à moindre échelle. Ici, vous ne risquez pas d'y laisser votre peau. Une tequila? Merci. Ouais. À la base, je suis surtout là pour gagner, moi. Ce sont les dollars qui m'intéressent. Eh ben, c'est plutôt mal parti, on dirait. Check. 7 de carreau. Puis-je vous demander du feu, Mr. Carlson? Bien sûr. Mais je vous en prie, appelez-moi Ernest. Merci. Check. Je relance. 25. 50. L'audace, mon ami. Suivi. Suivi. Carte. Dame de cœur à la rivière. $50. Vous hésitez, Jones? Non. Je vous suis. Tapis. Voilà, c'est bon, hein, j'arrête. $160. Waouh. Ça fait un pot. $410. Dang. Fuck. À moins que Jones ne le remplisse encore davantage. Vous voulez un conseil, Jones? Laissez-le jouer, McMorgan. Oh, et puis merde. Je vous suis. Bien. 9 de carreau et 8 de cœur. Quinte. Oh. Jones. Full au 7 par les dames. Eh bien... Magnifique. Désolé, Ernest. Non, pas de problème. Cela fait partie du jeu. Bravo, Jones. Merci. Ernest, je vous offre à boire. Non, merci. J'ai de la route à faire demain. Je vais me coucher. Ravi d'avoir pu jouer avec vous, Jones. Merci. Un plaisir pour moi également. Oh, et si je puis me permettre, McMorgan, essayez à l'avenir de mentir un peu mieux. Je vous demande pardon? Ne le prenez pas mal, mais... Votre histoire de « je ne joue que pour l'argent », j'ai du mal à y croire. Je ne sais pas quel bluff vous m'auriez réservé, mais je n'y aurais sûrement pas cru. Alors ça, c'est la meilleure. Sur ce, bonne soirée. Eh, vous manquez pas de culot, Carlson! Il n'a pas complètement tard. Vous continuez? Bon, d'accord pour une dernière main. Plutôt bon perdant, c'est Carlson. Yep. Ceci dit, je comprends qu'il parte si vite. Justement, tu peux ranger tes cartes, il vient de sortir. C'est pas trop tôt. Eh, j'ai bien cru qu'il allait nous plumer. Ouais, il a été agressif dès le début. Ça va, j'en ai pas trop fait? Un petit peu, quand même. C'est ce que je me suis dit. Change peut-être tes habits, c'est sûrement ça qui l'a titillé. Par contre, fais attention avec ta dame, il a bien failli la voir. Ouais, promis, je vais faire plus attention. On remet ça demain? Il paraît qu'un convoi de la Wells Fargo arrive en fin d'après-midi. Je sais pas. S'ils sont nombreux, ça risque d'être compliqué. Allez, promis, on fera un blackjack. Je vais y réfléchir. Essaye d'arriver un peu plus tard dans ce cas. On va bien se marrer. J'en étais sûr. Merde. Quoi? Vos mains sur la table, immédiatement. Tout doux, Carlson. On plaisantait. Ouais, pas la peine d'en venir aux armes. Fermez-la. Allez, file-moi le fric, rascal. Ok, ok. Attendez, okay. Ernest, on peut s'arranger. Le fric. Mike, c'est pas le con. File-lui son... Ok, ok. Tiens, tiens, tout est là. Bande d'escrocs. C'est de la haine que j'ai pas averti le shérif. Non, non, ce sera pas la peine. J'aurai pas cette indulgence la prochaine fois. Bon perdant, hein? Ouais, bon, je me suis peut-être un peu emballé. Mais comment il a pu rentrer ici avec son Colt? Comment il a fait pour rentrer sans que je le voie, tu veux dire? Ah putain, $500, parti comme ça. On a merdé quelque part. Remarque, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, hein. Soit tout gagner, soit tout perdre. Bah, on a fait les deux. Et tu trouves ça drôle? Non, mais... Disons que c'est ironique. Bah, ironique ou pas, il va falloir qu'on soit face. Ça veut dire Blackjack ? L'autre Jayhawker sera parti de main, alors. Ça marche. Mais cette fois-ci, c'est pas moi qui fais l'idiot. Pourquoi pas ? T'as la tête de l'emploi. Encore ! La dernière fois, c'était toi et ça avait bien marché. Ok. On en chargerait.